combattants d'élite. Je fais partie d'une unité spéciale spécialisée dans la protection des populations. On se retrouve parachuté dans une forêt montagneuse. On doit neutraliser un tueur en série qui sévit dans cette bourgade dangereuse. L'air vivifiant nous purifie l'esprit. On crée des équipes de deux. Par une coïncidence époustouflante, je tombe avec une nouvelle recrue, Alicia, charmante. S'échappe de ses parures une chevelure flamboyante. Un coup d'œil sur ses chaussures. Maintenant, c'est une chaussure. Elle est faite pour moi, c'est du sur-mesure. Néanmoins, je suis sans argent, sans talent, donc pour l'intéresser, je lui mens. Je m'invente une vie imprégnée de romans. On endosse notre pactage et on part à l'abordage. En permanence, une immense violence mène la danse. On fait abstraction de nos gerçures, nos coupures, nos blessures, nos fractures. Lorsque l'on passe à l'œuvre, ça se transforme en chef-d'œuvre. On l'assaille, on le mitraille. Si la justice existait, on serait accablé par le poids des médailles. On inspecte les lieux et déjà ça dégénère. Notre cible, Hector, saute d'un canadair. Il s'engage sur des pistes sinueuses. Il jongle avec des tronçonneuses. Il touche quelques habitants au passage. On observe un sabotage de cartilage. Je m'arme d'un arc et de flèches. Je ramasse un chalumeau et j'allume la mèche. Hector, le fou, avance tout feu, tout flamme. Le paysage s'enflamme. Un festival pyrotechnique. Ça flambe comme le prix des barils. Notre angoisse est incandescente. Ma coéquipière reçoit des coups de hachoir dans la mâchoire. Je l'emmène illico dans un hélico. Le bruit des fusils à pompe s'estompe. En permanence, une immense violence mène la danse. On fait abstraction de nos gerçures, nos coupures, nos blessures, nos fractures. Lorsque l'on passe à l'œuvre, ça se transforme en chef-d'œuvre. On l'assaille, on le mitraille. Si la justice existait, on serait accablé par le poids des médailles. Depuis le début, on entend des cris d'obus. On grelotte dans une grotte. Braqué par un soupçon de réflexion, Alicia me chuchote. Soit on se contente de l'attendre là, soit on sort de nos tentes et on tente un attentat. Tellement d'idées, elle énumère, elle vaudrait cher aux enchères, en tout cas plus que du Karcher. La respiration allaitante, l'index sur la détente, on se dégage de nos tentes. On trouve son QG grâce à Alicia. C'est une boussole sur pattes, elle a dû avaler un GPS quand elle était petite. En permanence, une immense violence mène la danse. On fait abstraction de nos gerçures, nos coupures, nos blessures, nos fractures. Lorsque l'on passe à l'œuvre, ça se transforme en chef-d'œuvre. On l'assaille, on le mitraille. Si la justice existait, on serait accablé par le poids des médailles. On le repère dans son repère. Il perd ses repères. Sur lui, on prend de l'ascendant. S'amorce la bataille, l'attaque est de taille. On lui envoie nos représailles, on dévoile notre attirail. Son cœur s'emballe lorsque notre savoir-faire en déballe. On se bat avec un mental de samouraï. On ajuste nos techniques de boxe thaï, de muay thaï, apprises lors d'une formation à Hawaï. Le psychopathe est projeté sur le mur du fond. On se déplace toujours à fond, on dépasse le mur du son. Notre victoire éclate aux yeux de tous. On risque d'être promu. J'en suis tout ému. Une joie intense a remplacé de souffrance. En permanence, une immense violence mène la danse. On fait abstraction de nos gerçures, nos coupures, nos blessures, nos fractures. Lorsque l'on passe à l'œuvre, ça se transforme en chef-d'œuvre.